Ça va être trop cool, on va caser les bougnoules. Ça va faire plein de fumée par la cheminée. Oh ouais. J'en peux plus des blondes, leur tacos à la con. Pour vous je vois qu'une solution, c'est le cyclone. Arrêtez tout de suite de m'appeler. Ici on s'appelle tous à Adolf Hitler. Deuxième bouquin, on va la monter, on va les cramer. C'est mieux entrer panier, sans toutefois oublier de sortir la pizza. Y'en a marre des picots, moi je trouve qu'y'en a trop. Qui a pris ce mauvais homme pour que ça travaille. C'est les protocoles des sages de Sion avaient raison. Ça sur le saucisson, remigration, tu sens le caca, ça sent pas bon.